Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. Il est 16h. Votre journal Rizlène Kounda, bonjour. Bonjour à tous. Les parlementaires partiront à la retraite à l'âge de 66 ans dès 2025, 67 à partir de 2030. C'est sur ce nouveau régime de pension que les présidents des parlements du pays se sont accordés. L'objectif était de rencontrer la réforme des pensions et l'allongement des carrières mises en œuvre dans cette législature. Par contre, les discussions entre partenaires sociaux au sein du groupe des 10 sont dans l'impasse, notamment sur les deux projets phares du ministre de l'Emploi Chris Peeters, la flexibilité au travail et la fin des 38 heures semaine. Ici, le gouvernement veut encadrer l'évolution des salaires. Les syndicats, eux, demandent que l'on rajoute l'emploi au menu des négociations. Entendez la réduction du temps de travail. Écoutez à l'arrivée Jean-François Tamellini, délégué FGTB. Je ne sais pas si on va conclure aujourd'hui. En tout cas, nous, on va examiner si du côté employeur, il y a une volonté de faire vivre la concertation. De notre côté, il y a trois thèmes qui sont importants, c'est-à-dire la loi sur la flexibilité qu'on veut négocier par convention, il y a la loi de 96 et puis il y a un volet sur le lien à l'emploi. Aujourd'hui, on va tester pour voir si les employeurs sont prêts à examiner ces trois volets que nous voulons lier tous les trois ou s'il y a une volonté de compartimenter, ce qui là nous posera un problème. Alors cette position, c'est la position de la FGTB ou c'est une demande du Front commun ? Alors on vient de se voir et donc c'est effectivement une demande du Front commun de lier ces dossiers parce qu'on estime que ce sont des garanties indispensables pour la suite des travaux. Alors quand vous dites on va tester la volonté des employeurs d'ouvrir une négociation sur ces trois points, jusqu'à présent vous n'avez pas senti d'ouverture ? Alors sans révéler trop d'éléments, parce que les discussions vont avoir lieu, on sent qu'il y a une volonté du côté patronal de discuter plutôt volet loi 96 sur les salaires et pas flexibilité. Et donc voilà, l'objet c'est vraiment de tester pour voir si on peut globaliser les dossiers, qui est vraiment le mandat qu'on a au niveau syndical. Compartimenter ne nous conviendra pas. Jean-François Tamellini, délégué FGTB au micro de Marie-Paul Jeunhomme. Rien n'a filtré à l'issue de la rencontre entre la direction américaine de Caterpillar et les représentants des gouvernements fédéral et wallon. C'était à 13h30 au palais d'Egmont, une rencontre très attendue pour discuter des marges de manœuvre possibles, à la fois sur le plan industriel que social, après l'annonce de la fermeture de l'usine de Gosselies qui touche plus de 2000 emplois. Mais déjà, écoutez, Paul Magnette, ministre-président de la région Wallonne, assez pessimiste sur la suite des négociations. C'est une culture très américaine, donc ils se cachent derrière leurs avocats et ils n'apportent aucune réponse sur le fond, bien que je les assaille de questions et que je rappelle que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les faire reculer sur cette décision. Maintenant, je pense qu'il faut être tout à fait honnête et qu'il ne faut pas faire de fausses promesses. Je crois que la manière dont ils se comportent donne à penser qu'il y a une chance très, très ténue qu'ils reviennent sur leur décision, hélas. Mais nous allons néanmoins tout faire pour contester leur décision. Paul Magnette au micro de Pierre Magos. En France, deux nouveaux adolescents soupçonnés de vouloir commettre un attentat ont été interpellés. L'un des deux était en contact avec le djihadiste français Rachid Kassim via la messagerie cryptée Telegram. Françoise Wollmack. Le lycéen s'était proposé pour une action terroriste. Il était donc en liaison avec Rachid Kassim. Ce Français de 29 ans qui se trouve en zone syrienne ou irakienne est soupçonné de téléguider à distance des actions terroristes mais aussi de mettre au point des scénarios d'attentats. Rachid Kassim est très présent sur les réseaux sociaux et visiblement il cible un public jeune et influençable. C'est lui par exemple qui aurait inspiré le meurtre d'un couple de policiers en région parisienne en juin ou plus récemment le meurtre d'un prêtre dans une église normande fin juillet. Il aurait également piloté à distance les projets d'attentats du commando de femmes radicalisées arrêtées la semaine dernière. L'arrestation de ces deux adolescents intervient 5 jours après l'interpellation d'un autre jeune de 15 ans qui s'apprêtait à passer à l'acte à l'arme blanche. D'après le Premier ministre Manuel Valls, la menace terroriste en France est maximale. Cette énorme acquisition dans le domaine de l'industrie chimique, Bayer rachète Monsanto pour 66 milliards de dollars. Monsanto, c'est ce fabricant controversé de pesticides et semences d'OGM. Les deux entreprises ont signé aujourd'hui un accord de fusion. Une mauvaise nouvelle pour le citoyen, a déjà réagi l'eurodéputé Marc Tarabella. Les États membres ont déjà du mal à trouver une majorité suffisante pour rejeter ces produits. Désormais, on peut s'attendre à ce que le gouvernement allemand soit moins enclin à faire barrage, a-t-il ajouté. Bel après-midi à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux maintenant avec vous, Walid. Merci, Rizlène. Retour de l'information tout à l'heure à 16h30. opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. La première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Avec Walid. C'est l'occasion pour nous de retrouver Caroline et Julien. Bonjour, c'est Caroline. C'est moi qui vous fais rire comme ça. Non, parce que, non, vous savez pourquoi, Caroline? Je vais vous expliquer. J'étais en train de me dire, comment est-ce que quelqu'un pourrait vous draguer? Moi? Oui. Ah, mais c'est très facile. Il n'y a personne qui le fait d'habitude, alors je tombe très facilement. Enfin, si on vous dit, Caroline, on a envie de vous détricoter. Détricoter, moi. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Il était de quelle origine ce tigre? Il venait d'où? Ouf, d'Inde? Non, de Grande-Bretagne. Ouais, ah, célèbre ouais, tigre ouais. De Grande-Bretagne. Célèbre tigre de Grande-Bretagne. C'est dans le quartier pakistanais. Et pendant ce temps-là, une info people, on apprend que Léa Seydoux attend son premier enfant, Raoul. Et normalement, elle devrait s'appeler Myrlène. Seydoux. C'est Myrlène. Jean-Jacques a honte. Ouais. C'est mauvais signe. Mais attendez, il n'a pas encore entendu la suite. tout, vous serez toujours hilari. Une petite nemo, une grosse gastro. Hémorroïde ou mal au pivoire, la scoliose, des mycoses, les corps aux pieds, un AVC. Tout, je vous dirai toujours hilari. Voilà. Vous voulez une petite histoire dans mon quartier? Mais dites-moi. Il y a une dame qui on l'a. Attendez, jingle. Hey, Raoul, ça fait du bien. On commence par une vraie anecdote. Allez-y. Eh bien, c'est une voisine, on l'accuse un peu de voler des chats dans la rue, tout près de chez moi. Alors, cette étude, il s'agit de tout sauf d'un horrible complot écolo. Vous savez, ceux-là même qui veulent mettre des panneaux solaires partout. Des panneaux solaires, alors qu'il est prouvé que le soleil provoque des cancers de la peau. On peut confier le nucléaire à Marguem, on peut aussi remplacer Hubert Reeves par David Jean Motte. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête, restez presque sérieux. Avec Walid. Et on l'apprenait dans la presse hier, des commerçants devront désormais dénoncer les clients louches et essayer de savoir ce qu'on leur achète. En tout cas, si ce qu'on leur achète ne servira pas à commettre un attentat. Alors imaginez un instant, chez le pharmacien, hein, une question. Vous voulez une boîte de préservatif? Bien sûr. On la sent venir, hein, si on peut le dire. Allez-y, c'est pour vous faire sauter. Ouais, ah bah il fait voilà. Oui de la tête. Ah bah voilà. C'est vous savez que les grosses têtes... Merci, vous êtes bien sur la première. Hein. C'est par les oreilles qu'ils rentrent pour vous prodiguer le meilleur des remèdes, le rire. D'ailleurs, Johann Schneider Hamann, président de la Confédération Helvétique, nous le confie encore récemment. Hein. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Ah, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Et vous allez faire cette expérience justement durant 1h30. Nous sommes presque sérieux sur la première. Avec nos chroniqueurs du jour, il va maintenant devoir justement justifier pourquoi il achète du sérum de vérité par palette entière pour l'administrer à des enfants. C'est David Wattley, bonjour. Moi, c'est surtout quand j'achète du gel que les vendeurs s'inquiètent. On va pas savoir. Le rire est le meilleur pour les cheveux, des médicaments. Et il va vous en prescrire à foison, certifié presque sérieux. Pierre Charette, bonjour. Vous me dites elle maintenant? Pardon? Vous n'avez pas dit elle? Si, non, si, mais c'est parce qu'il y a du soleil. Elle? Oui, je pense qu'elle a dit. Je peux changer. Oui. Hein. Ah, ben bah, merci. Pas de souci. Allez-y, changez. Tiens, lui, le Médoc. Bah, il connaît ça par cœur. Ah, Edgar Schott. Ouais. Edgar Schott est avec nous. Tiens, lui, il prépare ses petites histoires placebo dans sa petite officine. Puis, c'est à nous de deviner quelle pilule il ne faut pas avaler. C'est Vincent Flibustier. Bonjour. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça soit placebo véritable. Ça fait du bien. Il ne coûte pas cher. Ouais, c'est Raoul Reyers, hein, parce que il est comme un médicament. Ouais, c'est un médicament générique, vous. Donc c'est bien, mais toujours aussi efficace. Raoul Reyers est avec nous et puis ils sont un petit peu les garants du juste dosage de cette émission. Lui, en rédigeant la posologie, c'est Ajar Boulèche. Et elle, avec sa petite balance son de précision, Roxane Brunet, qui réalise cette émission pour vos petites oreilles. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est avec vous que nous en rions. Merci donc à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour, presque sérieux sur la première. C'est presque sérieux. C'est la première. Une heure et demie à l'assaut de l'actualité, revue et corrigée par vos beaux esprits du jour, avec au programme aujourd'hui les Paralympiques, le discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker au Parlement européen, puis les métiers d'avenir vus par les enfants. C'est au programme donc de C'est presque sérieux aujourd'hui. Des cadeaux également. Nous jouons ensemble au... Dites-moi. Peut-être préciser aux auditeurs qu'il ne faut pas confondre les Paralympiques et le discours sur l'état de l'Union. C'est vrai. Il voilà. Y en a un qui est beaucoup plus performant. Exactement. Voilà. Beaucoup plus simple que ça. Des cadeaux avec le qui a dit du jour. On vous fera des propositions. La phrase du jour, la voici. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Ma conscience est tranquille. Des abonnements au magazine Phileas et Autobulle que nous vous proposons. Un abonnement annuel ainsi qu'un livre de casse-tête Logico des éditions Larousse et un chargeur USB la première. Comment faire pour repartir avec tous ces cadeaux ? Eh bien, déjà, venir à nous en vous inscrivant tout simplement avec ces trois lettres CPS pour C'est presque sérieux au 31, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On fera des propositions. Venez en paix, venez sans crainte, venez presque sérieusement à nous, à Gerboulèche, on vous sélectionnera et vous viendrez passer un bon moment avec nous. Bon moment également dans l'actualité. C'est parti, voici la une du jour. Alors, vous avez déjà tous entendu parler de cette info hein, aujourd'hui, vous l'avez tous lu, le permis de conduire sera bientôt obligatoire pour les vélos électriques rapides. Ah, vous n'étiez pas au courant. Voilà, bah vous êtes passé à côté. Tout conducteur d'un vélo électrique qui peut aller plus vite que 25 km/h, mm-hmm. eh bien, doit à partir du 1er octobre détenir un permis de conduire. C'est ce qu'un. Mais lequel ? Ah oui, le permis vélo. Oui, mais le permis, non, permis cyclomoteur. Mais non, ils ont parlé de permis B. Oui, donc cyclomoteur. Ah, cyclomoteur, oui, donc cyclomoteur. C'est le permis C. Voilà. Merci Raoul. Le P, c'est pour ça. Pas le non, A mais c'est en non parlé. Ah oui, oui. Ah, soyez précis. Non, il faudra le A. Voilà. Il faudra tout A en fait. Plus. Il faudra tous les permis en fait. Hein, si vous voulez avoir un vélo électrique. Ah, ça va. Il faudra tout avoir. Tiens, des questions justement autour du vélo. Quelle est l'utilité de Vélodog ? C'est quoi Vélodog ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Le Vélodog. Un petit panier pour mettre les chiens ? Non. Ce sont des pousses, mais ce sont les chiens qui pédalent. Non. Qui conduisent. Il est question de chiens, effectivement, mais. N'est pas de oui, parce que dog en anglais, ça veut dire chien. Ah non, c'est un vélo qui avec une petite pelle qui ramasse les crottes de chien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que le chien faire breveter, ça, Raoul hein. Mais oui. Le vélo dog. Pour moi, c'est écologique. Ça existe, en tout cas, c'est apparu à la fin du 19e siècle. Le vélo dog. Et ça a quelque chose à voir avec les chiens. Ah, quelque chose à voir avec les Est-ce chiens. Est-ce que le chien est vivant ? Ah bah, en règle générale, après, peut-être pas. Et remplacer les roues par des chiens ? Non. Un concours pour écraser les chiens ? Non. C'est pour les chiens qui ont un problème de patte arrière ? Non. Est-ce que c'est on accrochait la laisse au vélo ? Non. Mais pensez au facteur. Qu'est-ce qui arrive au facteur quand il est face à un chien ? Il s'est mort par le ouais. Et donc, qu'est-ce que le vélo dog ? Ah, c'est un vélo avec des pics. Un dispositif anti-chien pour les facteurs. Ah, c'est pas très loin, c'est une arme. Une arme contre les chiens errants, puisqu'à la fin du 19e siècle, un armurier eut cette idée d'inventer donc un pistolet de petite taille et de petit calibre pour lutter contre ce fléau de l'époque, les chiens errants qui attaquaient régulièrement les cyclistes. Mais pourquoi vélo ? Pourquoi vélo oui. Ah, bah parce qu'ils étaient à vélo à l'époque. Les chiens ? Non. C'est con, là. Mais donc, du coup, voilà. Moins de chiens, on pouvait les... Mais c'était mon chien eh ben, mais plus de lettres alors. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'a fait un Hollandais ? Il s'appelle Fred Rampelberg. Il a fait quelque chose en particulier. C'est un record. Oui, genre, le record. Il a monté une côte. Oui, très très loin, 268 km/h à vélo. Ah oui, genre derrière une camionnette comme ça pour l'appel d'air. Effectivement, effectivement. Une autre question par rapport à l'actualité. Vous avez tous entendu parler de cette tour. Pourquoi parle-t-on de Beipanjiang dans l'actu du jour ? Ça va être la plus haute tour du monde. Ah ouais, Vincent. Je sais pas. Bah c'est ça. Mais j'en avais vu une qui devait être la plus haute tour du monde. Quel est le rapport avec genre, le vélo ? En Irak. C'est une autre actu, c'est une autre info. Ah, c'est pas en Irak, c'est encore une autre Non, c'est en Chine. C'est en Chine. Vous auriez dit que c'était un nouveau décès. Situé à une hauteur équivalente à un immeuble de 200 étages. C'est énorme. C'est la plus haute tour du monde. Donc voilà. C'est... Bah, 200 étages, c'est déjà largement battu par le Burj Al, je sais plus oui, quoi. Oui, c'est Dubaï. Des grands étages. Mais en tout cas, c'est des étages de 10 mètres. Le plus grand pont du monde. Le plus haut, en tout cas, pont suspendu du monde. Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est plus les plafonds hauts, hein, c'est comme à Saint-Gilles. Ouais, c'est un peu ça. C'est comme à Cherat, ils vont devoir mettre des barrières pour que les gens ne sautent pas au-dessus. C'est un peu ça. Ouais. Je vous laisserai apprécier cette musique. J'ai revu après les tours qu'on a retrouvé des déclarations de Trump qui, après les attentats du 11 septembre, déclarait que maintenant, c'était sa tour la plus haute. C'est la grande classe. Oui, il a dit ça en 2001, pendant oui, oui. le tour. Oui, c'est ça, juste après. Ouais. La grande classe, Donald Trump. Tiens, une autre info, une autre question. Pour quelle raison Jeff Bezos, le patron d'Amazon, fait-il parler de lui dans la presse ? Il fait des bisous. Il veut changer de nom. Non. Il vend des bières. Il vend des bières, non. Faire quelque chose de particulier. Il veut faire de la livraison de drones, mais à vélo. Non. avec des chiens. Non, le patron d'Amazon, il souhaite faire quelque chose. Et des chaînes de télévision en direct. Chaînes de télévision en direct. Non, il veut voir grand, très grand. Un très grand chien, c'est pas un vélo. Il veut produire des films. Non. Un immense entrepôt, un monstre. Non plus. Faire un pont suspendu plus haut que le chinois. Non. On ne sait pas, Walid. et en fait, on s'en Quelle fout bête un peu. Question. Alors, écoutez bien. Le patron d'Amazon veut présenter un lanceur hors norme, capable de rivaliser avec les meilleures fusées. La plus grande fusée du monde, il veut la créer. Il y en a qui ne savent plus quoi foutre. Ah, il veut la créer en fusée. Trop d'argent. Ouais, il veut créer la plus grande fusée. Ouais, la plus grande fusée du monde. J'avais d'autres questions, mais je pense qu'on va passer à Mais non, allez, on est même. C'était c'est quoi cette musique qui passait pas là comme ça. Pardon. C'était quoi la musique qui passait là? C'est Amazon. De la maison Tellier. Amazon, la maison Tellier. Bon, tout est en rapport avec les questions, vous savez, tout est incroyable. Par contre, je pense que la séquence, on va l'oublier. On va passer à autre chose, tiens, dans la suite. Vous vous inscrivez, vous envoyez CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse. Vous vous inscrivez pour repartir avec des cadeaux. Nous vous offrons un abonnement annuel au magazine Phileas et Autobulle, un livre de casse-tête Logico aux éditions Larousse, un chargeur USB aux couleurs de la première. Autour du qui a dit du jour, le qui a dit je vous le propose, ma conscience est tranquille. Vous vous inscrivez en envoyant donc ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et dans la suite, et même tout de suite, sur la première, on s'intéresse aux Jeux Paralympiques avec Pierre Charette. Le match qui part sur les chapeaux de roue, ça marche comme sur des roulettes. C'est presque sérieux sur la première avec Walid. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profitez des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Quand on est petit, on a de grands rêves, de grandes ambitions. On veut être pompier, médecin, savant. Sauver des vies, s'attaquer à de grands défis technologiques. Eh ben moi, je l'ai réalisé, ce rêve. Et j'ai fixé mes priorités. Aujourd'hui, je suis ingénieur. Chez IBA. Dans la vie, tout est une question de choix, de priorité. Aujourd'hui, IBA recrute 400 ingénieurs prêts à repousser les limites de l'innovation et à développer les nouvelles technologies pour le traitement du cancer. Info sur ibarecrute.be. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Le beau vélo de Ravel, en partenariat avec Engie Electravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles, ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec la première et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electravel. La première. Mobile Info. 16h18, retrouvons Anne-Michel Blouberg. Bonjour Anne-Michel. Bonjour Walid, bonjour à tous. Tiens, j'ai une question pour vous. D'après le médecin américain, parce que les questions, en fait, j'en avais encore sous la main, le médecin américain d'Hillary Clinton, oui. Quelle serait la raison de la pneumonie d'Hillary Clinton? Vous le savez ou pas? Non, elle fume trop. Bah, je vais vous donner la réponse juste après l'infotrafic. Empoisonné. Ah, empoisonné. Ah oui, c'est effectivement ça. Peut-être la bande à Poutine. Pas ouais. D'infotrafic, du coup. Voilà, non, ben non, voilà, c'est puni. Voilà, c'est une manière pour nous de combler l'infotrafic. Il se passe rien sur les routes. Hein, bah si, quand même tout de même, avec les suites d'un accident sur le 411 Namur-Luxembourg, à hauteur de Recogne, bande droite neutralisée. La même où vous ralentissez déjà en zone de chantier, vous perdez 15 minutes en direction du Luxembourg. Le chantier de Cherad vous ralentit comme tous les jours sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle. Vers Bruxelles, vous perdez une dizaine de minutes. Vers Aix-la-Chapelle, circulation ralentie également. Vous perdez là une quarantaine de minutes. Plus au sud, les travaux vous ralentissent sur le 25 Bastogne-Liège. Entre Gomes et Tilf, circulation ralentie sur 4 km, une dizaine de minutes de perdu en direction de Liège. Et puis quelques ralentissements également poste frontière vers la France sur le 17 Gand-Lille à hauteur d'Albic. Vous perdez une quinzaine de minutes. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Merci à vous d'être avec nous toutes les fins d'après-midi sur la première. Merci à vous d'être presque sérieux, tout comme nos chroniqueurs. Et il en est un, justement, qui va se jeter à l'eau, puisqu'il va nous parler des Jeux Paralympiques qui se tiennent en ce moment à Rio. Et la Belgique qui collectionne les médailles. On est déjà à la quatrième médaille pour notre délégation. Ça ne pas couler. Et alors, attention. Je n'ai encore rien dit. Et attention, justement, je décline toute responsabilité quant à cette chronique. C'est parti. Mais je pense, pour cette performance, qu'il faut, comme d'habitude, rendre à César ce qui appartient à Pascal Duquesne. Avec cette performance aux Paralympiques, la Belgique récolte enfin le fruit d'un long travail au niveau politique en faveur de l'intégration des personnes handicapées. Attention, je ne parle pas de notre politique des sports, je parle de la politique de nos routes et de nos centrales nucléaires, évidemment, qui ont provoqué toutes sortes d'accidents et de handicaps. C'est grâce aux politiques, mais c'est bien sûr surtout grâce à nos athlètes. Et vu la performance de nos athlètes paralympiques, j'imagine que la reine Mathilde va se rendre à Rio. Alors, les mauvaises langues diront que c'est pour y applaudir le roi Philippe. Non. Mais non, évidemment, c'est évidemment pour saluer les athlètes, sachant que la délégation belge se compose de 29 athlètes, ça fait au moins 22 mains serrées. Non. En espérant, j'ai dit, bien déclinais, sûr. Hein, je vous ai dit déjà, je décline toute responsabilité. Mais vous riez, Walid. Non, je ne ris pas. En espérant, non, bien c'est sûr. C'est nerveux, Walid. En espérant, bien sûr, qu'elle ne fasse pas une Lukaku en confondant le Kudjet avec le manchot. Moi, personnellement, je regarde les Jeux Paralympiques à la télé, parce qu'il faut le dire, c'est une vraie leçon de courage. Hein, je le répète, se taper les Paralympiques à la télé, c'est une vraie leçon de courage. Heureusement, pour les Paralympiques, ce n'est pas Rodrigo Benken, ce commentaire. Sans quoi on aurait tendu tout droit à la caipirinha, un goût de légumes. Si vous en convenez, aurait fait mauvais genre. Cela dit, moi j'aime beaucoup les commentaires sportifs lors des Paralympiques, parce que pour une fois, les expressions « gagner dans un fauteuil »,« en garder sous le pied » et « chercher la victoire avec les dents » sont des expressions à prendre au premier degré. Mais en fait, finalement, il faut bien avouer qu'on connaît mal les Jeux Paralympiques, et moi je me pose certaines questions, des questions de profanes. Par exemple, est-ce que malgré le dicton, un sportif qui n'a pas de bras peut tout de même décrocher une médaille en chocolat? Ne peut-on pas considérer le golf comme une discipline paralympique, étant donné que tous les joueurs ont un handicap? Ouais. Alors, une question pour Raoul, est-ce qu'être marié est un handicap suffisant pour participer aux Jeux Paralympiques? Une question ouverte, à quoi ressemble le sexe dans le village paralympique? Je sais que c'est un beau symbole, mais cela n'allonge-t-il pas considérablement la cérémonie d'ouverture que de choisir un asthmatique pour souffler la flamme olympique? Est-ce qu'au Paralympique, un athlète qui se blesse avant la compétition, est-ce que ça change quelque chose pour lui? Est-ce que quand il remporte une médaille, les sourds en ont quelque chose à foutre qu'on leur diffuse leur hymne national? Participer aux épreuves de natation synchronisée quand on est siamoise, n'est-ce pas un peu de la triche? Qu'attend-on pour introduire dans les épreuves paralympiques le water polio? Concernant alors l'épreuve de tir à l'arc pour les non-voyants, l'accès aux tribunes est-il exceptionnellement gratuit? Alors peut-on considérer les sports paralympiques comme des sports propres, malgré les problèmes d'incontinence de leurs athlètes? Enfin, une question pratique, aux apports du stade, est-ce qu'il y a des connards handicapés qui piquent les places de parking des valides? À ce propos, c'est facile de reconnaître les places pour valides, il y a une paire de jambes peintes sur le bitume. Bref, je conclurai cette question, cette chronique, en dégageant un atout évident des Jeux Paralympiques par rapport aux Jeux Olympiques. Au moins, avec les Jeux Paralympiques, dans le vestiaire, ça ne sent pas les pieds. Je décline donc toute responsabilité. Je voulais quand même, juste pour être factuel, même s'il y a des personnes atteintes d'handicap mental, les personnes handicapées mentales ont les Jeux Olympiques spéciaux qui n'ont rien à voir avec les Jeux Special Olympics. Oui. Voilà. Merci Vincent Philippe. Ça s'appelle les championnats de Belgique. C'était pour essayer qu'on oublie toutes ces horribles blagues. On va très vite les oublier. On va revenir dans un instant avec public, Raoul Reyers. Eh ben, si, figurez-vous si, que si, y a un ça fonctionne mieux que les Jeux Olympiques. C'est vrai. Bah, ils courent plus vite. Par contre, oui, j'ai vu que les 1500 mètres, ils ont couru plus vite que, bah, comme que quoi. Les valides. Ouais. Comme quoi. Raoul Reyers, ce sera à vous dans un instant. Le temps pour nous d'écouter iPhone avec Cause I Got a Chance sur la première. seront en concert sur la place Saint-Lambert à Liège dans le cadre des fêtes de Wallonie le 16 septembre prochain. iPhone sur la première. Hey Raoul, ça fait du bien. Faites-nous du bien, Raoul. J'ai pas d'histoire dans ma rue, pas aujourd'hui. Peut-être ça demain, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je ne veux pas faire mon Dominique Lehmann, mais avec les avis laissés sur TripAdvisor sur les hôtels nord-coréens, je pourrais imaginer une guerre nucléaire dans peu de temps. Ah bon ? Vous n'avez pas vu ça ? Non. C'est formidable. Donc, avis sur TripAdvisor des hôtels nord-coréens, sales, froids et hideux. Les prisons occidentales sont plus accueillantes. Mm-hmm. Ou alors douche froide en béton, des lits durs comme de la pierre et des coupures de courant régulières. C'est tout ce que vous pouvez attendre d'un hôtel rétro-soviétique. Oui, des bobos qui doivent chercher ça, non ? Bah oui, ça son charme. Des mecs qui sont obligés pour affaire d'aller là-bas, quoi. Endroit horrible, mais j'imagine qu'il se situe dans le haut de gamme en matière d'hospitalité nord-coréenne. Les lits sont des planches en bois avec un coussin dessus. Ah, bah, il y a un coussin, ça va ? C'est vrai. C'est ce que dit l'hôtelier. Lamentable, restez chez vous. Cet hôtel est censé être le meilleur hôtel du pays, mais étant donné que tout le reste est atroce, ça ne signifie pas grand-chose. Déjà qui va on... Mais oui, c'est ça. Ah, mais c'est ça, c'est la question que je me pose. Vincent, on a un spécialiste. Moi, j'aimerais bien y aller, mais si jamais il repasse une des histoires que j'ai fait sur le Corée du Nord, bah, je prends perpète. Il paraît qu'il note tout ce que vous. Prenez pas le billet de retour, quoi. Et j'ai vu aussi récemment que Kim Jong-un, mais bon, on n'est jamais sûr de la véracité des trucs, a interdit le sarcasme en Corée du Nord. Parce qu'il a peur que du coup on acquiesce ce qu'il dit avec sarcasme. Et du coup, l'ironie, le sarcasme, c'est terminé. Ah bah on écoutez. Ceci dit, moi j'ai déjà eu des hôtels tenus par des paquis à Londres qui n'étaient pas beaucoup mieux. Petite histoire de Raoul Reyer. Si on aura d'autres encore tout à l'heure. Allez, si vous voulez. Vous avez quoi encore ? Mettez-nous-le à la bouche. J'ai tout. C'est pas mal. Si, gardez-la. Si vous êtes vendeur de gaz, méfiez-vous. Ah, eh ben, c'est du beau teasing. Par exemple. Ouais, c'est exemple, du beau teasing. On s'informe à 16h30 si et on joue ensemble. Si vous ne passez pas le portique à l'aéroport. Taisez-vous, Raoul, c'est l'heure. Ouais. Ma conscience. On passe tous les jours, donc on s'en fout. Ma conscience est tranquille, c'est le qui a dit du jour. Venez jouer avec nous en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse. On vous offre pas mal de cadeaux. Ce sera à vous de jouer juste derrière les informations qui arrivent tout de suite. Elles sont signées Rizlen Kunda sur la première. Chérie, combien de temps avant 22h ? 8 secondes, t'es prête ? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti ! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat ? Je sais plus. Arrête-moi ça ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. City 2. Le samedi, c'est deux fois mieux. City 2 vous offre chaque samedi 2 heures de parking gratuit pour tout achat de minimum 25 euros. City 2, le centre commercial en plein cœur de Bruxelles. Facile d'accès par le métro Rogier, la gare du Nord ou son parking aisé situé à la rue des Cendres. Il y a toujours quelque chose de mieux à City 2. City 2, prenez la ville du bon côté. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première vous invite à l'avant-première de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Soyez le bienvenu. Plongez dans l'univers fantastique de Tim Burton. Il nous traque depuis des siècles à cause de nos pouvoirs. Pour y assister le 27 septembre à Liège ou à Braine-l'Alleud, 0905 56 475 50 cents par appel. La première. 16h30. Les principaux titres de l'actualité avec Rizlen Kunda, bonjour. Bonjour à tous. 3,6 milliards d'économies dans la sécurité sociale sur l'ensemble de la législature fédérale. C'est l'objectif chiffré du gouvernement Michel. En matière de santé, la ministre Maggie De Bloch compte notamment dans les mois à venir sur une remise au travail des malades et invalides. Son projet d'arrêté l'eau royale est sur la table du comité de gestion de l'INAMI qui doit encore se prononcer. La direction américaine de Caterpillar a rencontré aujourd'hui les les autorités belges, le gouvernement wallon, mais aussi le Premier ministre Charles Michel et le ministre fédéral de l'Emploi, Chris Peeters. Une rencontre très attendue pour discuter des marges de manœuvre possibles, à la fois sur le plan industriel que social, après l'annonce de la fermeture de l'usine de Gosselies. Cette énorme acquisition dans le domaine de l'industrie chimique, Bayer rachète Monsanto pour 66 milliards de dollars. Monsanto, c'est ce fabricant controversé de pesticides et semences OGM. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour le citoyen, a déjà réagi l'eurodéputé socialiste Marc Tarabella. Voici les principaux titres qui seront développés dans les journaux de Soir Première. Et puis dans CQFD, Arnaud Reussen recevra Pascal Delwitt, économiste, et Henri Goldman, rédacteur en chef du magazine Politique. Autour de cette question, le PTB, est-ce un parti extrémiste ou un parti de gauche radicale? Merci Rislaine, retour dans l'information dans 28 minutes à 17h sur la première. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et presque sérieusement, intéressons-nous à cette actualité qui fait la part belle de cette émission, puisque nous y intéressons avec un peu de légèreté, avec un peu de distance, un peu d'impertinence. Et pour jouer avec cette actualité, nous accueillons Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cécile. Non, personne ne vous répond. Alors je... Elle a une voix de biochimiste, moi je trouve. Oui, elle a une... C'est vrai, hein, ça s'entend. Hein. Oui. C'est incroyable. C'est votre copine ou quoi? Non, je sais pas. Non, ouais. Je vous promets, elle est étudiante en biochimie. Oui, j'ai 20 ans. C'est ça. Et de Liège? Non, Verviers. Ah bah non, oui, Verviers, pareil. Verviers. 20 ans, c'est Byzance. J'espère que vous n'habitez pas rue Spintée. Il se frotte les mains, il faut le voir comme ça. Et parce que Verviers, c'est quand même là que je suis né. Mais oui, c'est un peu sur les hauteurs. Quand même. Ouais. Cécile. Moi aussi. Voilà. Vous avez un point commun avec Raoul Reyes, c'est déjà une bonne chose. Le monde est petit. Hein. Arrêtez-vous à 1. Reste à voir maintenant si vous repartez avec les cadeaux que nous allons vous offrir. Déjà un abonnement au magazine Phileas et Autobulle, un livre de casse-tête logico aux éditions Larousse et un chargeur USB aux couleurs de la première. Avec une phrase, la phrase du jour, la voici, et des propositions à vous de déterminer parmi les chroniqueurs qui a la bonne réponse. Qui aurait pu dire « Ma conscience est tranquille ». Vous êtes verviétoise, bien jouons avec un verviétois. Raoul. Allez, d'accord. C'est Willy Borsu, tonton Roundup. Ah, tonton Roundup. Maintenant que Bayer a racheté Monsanto, sa conscience est tranquille, c'est un peu grâce à lui. Willy Borsu, vous voyez qui c'est, hein. Bien sûr. Un charmant garçon. Bien sûr. David Watley, qui aurait pu dire « Ma conscience est tranquille ». Bon, je sais que ma proposition n'est pas du tout crédible, mais c'est Michel Platini, à propos de ses petits soucis de gestion à l'UEFA. Michel Platini pour David Watley. Pierre Charette, ma conscience est tranquille. C'est Jacques Chirac qui a déclaré que sa conscience était tranquille, ce qui est logique, finalement, vu que même de sa conscience, il n'en a plus conscience. Pas sympa pour Jacques. On va demander à Edgar Schotz. C'est lors de son interview avec David Pujadas que Bachar el-Assad a dit que sa conscience était sûrement tranquille, mais il a demandé aussi ce que ça voulait dire, conscience. Bachar el-Assad pour Edgar Schotz. Et enfin, Vincent Flibustier, ma conscience est tranquille. Eh bien, c'est Pierre Charette suite aux plaintes du Centre pour l'égalité des chances, UNIA, suite à ses blagues sur le fait que ça ne pue pas des pieds aux Paralympiques. Pierre Charette pour Vincent Flibustier. Cécile, procédons par élimination. Qui aurait pu donc prononcer cette fameuse phrase « Ma conscience est tranquille » Willy Borsu, Michel Platini, Jacques Chirac, Bachar el-Assad ou Pierre Charette? Je ne pense pas que ce soit Chirac. Écoutez, au fond, est-ce qu'il vit toujours, lui? Ben oui, bien sûr. C'est vrai. Ouais. Il vient de réaffirmer son soutien à Juppé. Et à Hollande aussi. Le gamin. Il avait déjà affirmé hier. Donc, Willy Borsu, Michel Platini, Bachar el-Assad ou Pierre Charette, qui souhaitez-vous éliminer? Al-Assad aussi, à mon avis. Ça, c'est de l'argumentation, ça. Hein. Je vois qu'il n'y a pas qu'ici qu'on rit. Oui. Il en reste trois. Et à vous de déterminer parmi les trois propositions qui aurait pu justement prononcer cette phrase. Ma conscience est tranquille. Je serais plus tenté de dire que c'est le premier, mais honnêtement, j'ai aucune idée. Vous seriez tenté de dire Willy Borsu? Oui. C'est vrai que c'est tentant. Elle était même pas née. Tant Willy Borsu. Alors, Cécile, vous voulez un indice? Oui. Vous voulez un indice? Je vais vous donner un indice. Numéro 10. C'était sa place sur la liste à Willy Borsu. Je sais pas si elle s'intéresse vraiment à ça. Ben, j'ai donné un indice. Vous voulez un autre indice ? Ballon de foot. Platini, alors ? Vous dites ? Platini. Alors attendez, je vais vous donner un autre indice. Et c'est gagné effectivement, c'est Michel Platini qui a dit « Ma conscience est tranquille ». Les Français, le Français en tout cas suspendu 4 ans de toute activité liée au football, a fait ses adieux à l'UEFA à l'occasion donc du congrès d'Athènes. « Sachez simplement que ma conscience est tranquille », a assuré Michel Platini dans un discours d'adieu donc à Athènes, chargé d'élire son successeur à la présidence. Et on a appris que c'était donc un nouveau président UEFA qui vient d'Ukraine, si je ne dis pas de bêtises. Alexander quelque chose. J'oublie honnêtement. Ouais, il s'appelle Alexander quelque chose. C'est vraiment son nom. C'est quelque chose. C'est vraiment ça. En attendant, c'est donc gagné. Cécile, il y a du monde autour de vous ? Il y avait ma sœur et ma mère. Ah, elles sont déjà parties ? Non, elles y sont toujours. Ah, d'accord. On a des cadeaux pour votre mère et votre sœur. Vous savez ça ? Ah ouais. Passez-moi votre mère. Ça y est, c'est parti. Je rappelle. Voilà, appelez-la. Elle s'appelle comment, votre mère ? Maman. Magali. Ah, maman, bah oui. Raoul se frotte encore plus les mains. Elle était une ex. Magali. Manon, bon, attendez. Magali, bonjour. Oui, bonjour. C'était pas prévu que je passe à l'antenne. Bah écoutez, c'était pas prévu pour nous non plus. Mais vous avez bien fait de venir. Voilà, Magali, je vais vous offrir quelque chose. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Magali ? Dites-moi. Oh. Ma fille m'a dit un voyage à Disney, mais je crois que... Un voyage... Ah, c'est chez RTL, ça. Désolé. Pour aller à Disney, il lui faut un beau sac. Non, attendez. Moi, je peux vous offrir quelque chose de très culturel. Une visite dans un musée, quelque chose comme ça. Ah oui, ça, c'est la première. Ça, c'est sûr. Oui. Le musée de Mickey. Ça peut être sympa. Je peux vous offrir des places pour un musée. Ah, ben, la Boverie, peut-être. Ah, ben, écoutez, je vais vous offrir des places pour la Boverie. Voilà. Hop, allez, je régale. Vous êtes combien à la maison ? On est à Verviers, faites gaffe. Vous êtes 4. Allez, 4 places pour la Boverie pour vous. Il y a Jarbouche qui me dit, mais d'où vous je vais les sortir ? Vous penserez à aller les acheter demain ? Oui, je vais aller les chercher. Mais je fais plaisir à Magali et à sa fille Cécile. Merci, Magali, restez fidèle à la première et presque sérieuse avec toute votre petite famille. Pas de problème, merci beaucoup. À bientôt Magali, embrassez Cécile de notre part. Veillez à ce qu'elle réussisse ses études, quand même. Hein, études en biochimie, oui, c'est pas facile, comme le rappeler. Tiens, dans la suite, on s'intéresse à l'actualité, et on va s'intéresser à l'actualité, cette fois, vue et corrigée par Edgar Schotz, puisque nous allons nous intéresser à Jean-Claude Juncker. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe, mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien. Et oui, c'est devenu une tradition. Jean-Claude Juncker présentait bien aujourd'hui son discours sur l'état de l'Union au Parlement. C'est devenu une autre tradition. Edgar Schotz, bien vous nous dites ce que vous en avez retenu. Bah oui, que retenir de Jean-Claude Juncker, c'est en effet une bien belle question. Si je dois résumer en deux mots ce que je pense de lui, je dirais que c'est un homme d'État qui a au moins un point commun avec Winston Churchill, mais que malheureusement c'est l'alcoolisme. Il paraît d'ailleurs qu'au bar de la Commission, on le surnomme LuxLeaks, Jean-Claude, en raison de sa capacité à faire disparaître un maximum de liquide en un minimum de temps. À ceux qui lui reprochent son manque d'ambition et la façon dont il gère l'Europe à la petite semaine, j'ai d'ailleurs envie de répondre que c'est somme toute assez normal pour un homme qui boit de ne faire qu'une petite commission. Voilà, cette blague vous est offerte par les 10% de Jean-Marie Bigard qui sommeille en moi et qui se réveille parfois de manière un peu intempestive. Bon, en fait, il y a quand même un autre point commun entre Juncker et Churchill, ce sont les bombardements allemands. Hein, la Grande-Bretagne de Churchill a été bombardée par Hitler et après tout, Jean-Claude Juncker, c'est quand même par Angela Merkel qu'il a été bombardé président de la Commission européenne. C'est pas faux. Bon, je vais arrêter de m'en cacher. Bobine. Mais moi, Jean-Claude, je suis très fan. Et je vous vois venir, ça n'a en fait rien à voir avec une quelconque solidarité d'alcoolique. Un de ses derniers discours au Parlement européen est d'ailleurs malheureusement passé un peu inaperçu. Et c'est sans doute parce qu'il l'avait prononcé le 28 juin, la veille des vacances. Mais je vous avoue que depuis que je l'ai entendu, je suis comme un tox en manque de son fixe quand plus d'une semaine s'écoule sans interview de Jean-Claude. Et vous le savez bien, la toxicomanie, c'est comme le progrès, ça ne vaut que si c'est partagé par tous. Je vais donc essayer de partager ma nouvelle addiction avec vous. Écoutez plutôt. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes, ils sont très inquiets. Alors si moi j'ai 10% de Jean-Marie Bigard, lui il a au moins un bon 60% de Steven Spielberg. Alors oui, on peut rire de Jean-Claude Juncker qui déclare avoir rencontré, discuté, écouté et entendu des dirigeants d'autres planètes, mais le plus étrange c'est quand même que sur les 750 députés européens qui sont censés être présents et écouter le discours, on en entend exactement un seul rigoler. Les autres dorment. Et on n'est même pas sûr que c'est pas parce qu'il vient seulement de comprendre la blague de Toto que Guy Verhofstadt lui avait raconté la veille. Et à ceux qui croient que c'est un simple lapsus d'ébriété, écoutez la suite du speech. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. De beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, je crois que ce garçon est fondamentalement mal compris. Hein. On le critique pour le Brexit, pour l'austérité en Grèce, pour la gestion de la crise migratoire. Mais si on veut être un peu honnête, il faut pouvoir le juger à l'aune de ses propres critères et de ses propres objectifs. Et vous l'avez entendu, l'objectif de Juncker, c'est de rassurer E.T. Hein. Bref, ne dites plus président de la Commission européenne, dites tranquilliseur d'OVNI. Alors aujourd'hui, j'ai eu droit à mon fixe de Juncker, hein, puisqu'il a tenu ce matin son discours sur l'état de l'Union. Vous reconnaîtrez que 3 mois après le Brexit, c'est assez audacieux de tenir un discours sur l'état de l'Union. J'attends avec impatience que Marie-Christine Marguem tienne un discours sur l'état du nucléaire à Fukushima d'ici quelques semaines. Mais c'est malgré tout quand même à ce genre d'occasion qu'on se rend compte que Nigel Farage nous manque un peu. Hein, lui qui avait déclaré qu'Herman Van Rompuy avait le charisme d'une serpillière humide. Si on dit ça de Van Rompuy, que dire alors de Juncker? Je sais pas moi. Mais peut-être... pourquoi humide? En tout cas, Juncker, je me dis peut-être le charisme d'un glaçon fondu ou la volonté d'un ovni qui ne décolle plus. Ah, il garchote, une chronique à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Raoul. Il y a une petite légende sur Juncker qui dit que l'avion n'est pas encore à sa hauteur de croisière, qu'il est déjà bourré. C'est pas vrai. Chaque fois qu'il prend un avion. C'est vrai. C'est une vraie légende. C'est ça, c'est clair. Oui, oui. Tiens, je vais proposer un concours à nos auditeurs. Tiens, vous êtes dans votre voiture, vous circulez un petit peu partout dans le royaume. Sachez qu'il y a une campagne de pub aux couleurs de la première. Vous en reprenez bien une tranche. Bien, je vais inviter les 10 premiers qui m'envoient une photo d'eux, presque sérieusement. Avec une tranche ? À côté d'une tranche. Avec une tranche de jambon. Et d'un panneau publicitaire. Je leur offre un pack aux couleurs de la Évitez première. Évitez de vous mettre au milieu de la route. Oui, ne vous arrêtez pas sur l'autoroute pour ça. Non, oui. Non, mais il n'y en a pas sur l'autoroute. Mais il y en a dans les abribus, il y en a un peu partout. Il y en a devant chez RTL, je ne sais pas si vous avez vu. Peut-être qu'un jour on entendra Pierre Collard-Bovy qui dira il y a des embouteillages à cause de gens qui sortent leur smartphone. Mais donc vous prenez en photo, vous envoyez. Alors vous avez deux possibilités. Vous envoyez ça à presque@rtl.be ou alors vous envoyez. Oui. Ou alors vous envoyez ça sur la page Facebook directement, comme ça on les a. Et restez correct. Mais, oui, quand même, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Donc, les 10 premiers qui le font, ils repartent avec un truc. Voilà, c'est signé, c'est dit, c'est fait. Allez, teasing, c'est parti. Dans la suite, on continue à s'intéresser à l'actualité avec l'histoire signée bien Laurent Dehausset, qui nous posera une question en rapport avec ce 14 septembre. Et puis Vincent Flibussier, qui lui tentera de nous mener en bateau pour les presque vrais. Merci à vous d'être presque sérieux sur la première. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente le concert 100% Sounds for Research en faveur de la recherche contre la leucémie. Avec Puggy, Les Innocents, Cocoon, La Grande Sophie, Musti, Soul, Nicolas Testa, Hollywood Porn Stars et d'autres surprises. Le 27 octobre à la Madeleine à Bruxelles, en présence de Virginie Efira et François Damiens. Info et tickets, concert100%.be. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Pendant les Audi Days, tout est exceptionnel. Les conditions sur l'Audi Q3 sont exceptionnelles. Le sentiment de liberté qu'elle dégage est exceptionnel. Exceptionnel aussi, le système BSI. Boost de sensations irrationnelles. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q3 super équipé à partir de 31 450 euros ou 229 euros par mois en personnel lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. C'est vert. Eh oh, c'est vert. Quoi ? C'est vert, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La première. Mobile Info. Et à 16h45, il est l'heure de retrouver Anne-Michel Vlouberg. Bonjour Anne-Michel. Et rebonjour Walid. Bonjour Anne-Michel. Rebonjour Walid. Alors dites-nous, que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien, je vais me répéter, puisque plusieurs zones de chantier vous ralentissent. C'est le cas sur le 40 d'Aix-la-Chapelle, Bruxelles, hauteur de Cherat. Vers Bruxelles, le défile sur 3 km vers Aix-la-Chapelle. Vous perdez une cinquantaine de minutes. Sur le 25, Bastogne-Liège, entre Gomes et Tilf, 20 minutes de perdu en direction de Liège. Sur le 400, d'un Namur, Arlon, avenue Château, défile à partir de Libramont, 40 minutes de perdu en direction d'Arlon. Des ralentissements toujours vers la France, au poste frontière sur le 17, Gand-Lille, à hauteur d'Albig, 20 minutes de perdu. Attention à cet objet encombrant, un objet encombrant une échelle qui est signalée sur le 42 Mons-Liège, à hauteur du viaduc de Vieville. La bande droite est donc encombrée en direction de Liège. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey, Houston, on a un problème ici. Rendez-vous avec l'histoire tous les jours de la semaine entre 13h30 et 14h30 sur la première émission présentée par Laurent Dehausset. Laurent Dehausset qui s'invite presque sérieusement dans cette émission pour vous poser une question en rapport avec le 14 septembre. Écoutez attentivement sa question. Ce poème, écrit le 14 septembre 1814, fait aujourd'hui la fierté d'une nation. Quel est ce poème? Alors, aha, aha. Un haïku, non, c'était pas un haïku. Il fait la fierté d'une nation. Une nation européenne? Non. Les États-Unis? Oui. Ah, c'est l'hymne américain. Eh ben oui, Vincent Flibussier, The Star Spangled Banner. C'est de l'anglais. Ah oui. Francis Scott Key écrit ce poème qui deviendra quelques années plus tard le futur hymne des États-Unis. Un texte qui rend hommage à la résistance héroïque de ceux qui défendirent le fort et qui furent en mesure de faire flotter le drapeau américain au sommet en dépit de l'acharnement de l'ennemi. Ils plantaient le leur, bien sûr. Et puis la musique sera l'œuvre d'un compositeur anglais, John Stafford Smith, qui écrivit cet air pour accompagner ce poème. Et donc voilà, et en 1969, vous voulez savoir ce qui s'est passé à Woodstock? Oui. Oh oui, oh oui. Bah, vous le savez ce qui s'est passé à Woodstock. On reprit Jimi Hendrix. Bah oui, Jimi Hendrix qui a joué une version historique de cet hymne en solo à la guitare électrique, tout en distorsion. Et jusque dans les années 30, les Américains faisaient le salut de Bel Ami pendant l'hymne. Le salut de Bel Ami qui était le salut nazi. Donc ils ont arrêté un petit peu. Toujours un mot pour rire. Et puis depuis 1979, l'hymne national de l'État de la Géorgie aux États-Unis est Georgia. La chanson de Ray Charles, ouais, c'est ça. Et c'est pas l'hymne américain. Et ce poème, qu'est-ce qu'il raconte dans le fond? C'est ce que j'allais vous dire. Drapeau. Qui rend hommage à la résistance héroïque. Ça doit être plus poétique que ça. Oui, excusez-moi, je ne suis pas poète. Désolé. Surtout pas très anglophone. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'était l'occasion pour nous de rendre à César ce qui appartient à César. Vous connaissez Bruce Springsteen? Non. Oui. Non, je vois pas. Born in USA. Mmh. Oh, non, vois pas, c'est quoi? Attendez 30 secondes. C'est quoi ça? Vous avez l'air vachement réveillé aujourd'hui. Et Pierre Charette, il a fait sa chronique et depuis tout à l'heure. C'est faux. Non, je parle depuis tout à l'heure. Moi, moi je vais pas parler. Et vous? Moi, je parle tout le temps. Vous rigolez ou quoi? Sans Flibustier. Tout à fait, mais pourquoi vous parlez de Born in the USA? Juste parce que un bout. Non, juste parce que j'avais envie d'écouter Gene Vincent. C'est parti, Bebop Lula. Hey, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock. She one that's got that beat. She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more. Let's rock again now. Il est vachement bien ce Bruce Springsteen. Hey, 1956 quand même, hein. Bebop Lula, Gene Vincent, hein Raoul? C'est pas si vieux, 1956. Oh, ça fait 4 ans de plus que moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que vous écoutiez à l'instant sur la première en attendant les histoires de Vincent Flibustier. Bonjour, messieurs Vincent. Vincent, on vous écoute. Ben oui, aujourd'hui, Walid, je voulais vous parler d'un sujet important dont on ne parle pas assez sur la RTBF, sauf dans C'est vous qui le dites, les animaux drogués. Et je ne parle pas des chihuahuas de David Jean Motte, parce que les joies de la défense ne sont pas réservées qu'aux humains. Vous avez vu peut-être que les États-Unis réfléchissent à euthanasier 45 000 chevaux sauvages, oui, oui, qui sont un peu gênants. Mais il n'y a pas que comme ça qu'on drogue les chevaux là-bas. Lors de la dernière course de Lone Star Park au Texas, on a vu 5 chevaux disqualifiés parce qu'ils étaient défoncés à la méthamphétamine. Et si vous avez déjà testé cette drogue ou vu Breaking Bad, il paraît que c'est assez fort. Hein, Raoul ? Oui, j'ai vu la série. C'est voilà. Bien, ce qui est étrange, c'est que... Je n'arrive pas encore à la fabriquer. Regardez encore une deuxième fois. Ce qui est étrange, c'est que la dose retrouvée dans le sang des chevaux était assez faible, mais beaucoup plus élevée chez leurs jockeys. La drogue étant transmissible sexuellement, il est donc possible qu'on soit devant un scandale de dopage, mais également de zoophilie. Mais ça, c'était que pour faire plaisir à Pierre Charette. Bref, l'avenir nous le dira. Alors, cette histoire, on a envie d'y croire ou pas? C'est super crédible. On va s'intéresser à la seconde histoire, Vincent. Et oui, il n'y a pas que les chevaux qu'on drogue, puisque le Japon a connu en 2003 un scandale alimentaire lié à la drogue. Vous le savez, ils chassent la baleine, la manche, tout ça. Et une association de protection des animaux avait trouvé amusant, ou intéressant peut-être, de droguer de nombreuses baleines au LSD. Bon, déjà, ça les rendait peut-être plus difficiles à capturer, vu qu'elles zigzaguaient. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que le LSD reste dans la viande en partie, et que 2000 Japonais ont été complètement défoncés en mangeant de la baleine. Du coup, les Japonais font des prises de sang aux baleines depuis 2003, avant de les consommer. Ah ben voilà, une histoire de drogue, on parle d'un côté de chevaux, de l'autre côté de baleines, Raoul Reyers. Chevaux ou baleines ? À choisir le cheval. Le cheval. Edgar Schott, cheval ou baleine ? Oui, le cheval. Le cheval. Pierre Charette. Baleine. Et David Watley. Cheval. Cheval, c'est parti. Bonjour cheval. Hey cowboy. Roulement tambour, cheval ou... Ou baleines. Ben non, le Japon n'a pas connu de scandale alimentaire avec les baleines parce que les Japonais ne mangent plus de baleines depuis quelques temps déjà, parce que, alors qu'aujourd'hui ils en chassent encore 300 à 500 par an, mais c'est pour la science, on ne sait pas trop ce qu'ils en font, mais voilà. Par contre, de plus en plus de chevaux sont drogués, on les retrouve défoncés pour des courses, et effectivement, bien souvent, on soupçonne que ça se transmet depuis les jockeys, mais on ne sait pas comment. Littéralement, on ne sait pas comment, parce qu'à chaque fois qu'un cheval est retrouvé défoncé, le jockey est retrouvé défoncé la même drogue. Mais ça ne peut pas passer par les habits. Enfin, du coup, c'est un peu bizarre. Ils sont en train d'investiguer. On accuse le cheval ou mais non, en fait, ils sont en train un petit peu de changer la législation parce qu'il n'y avait pas de tests anti-dopage pour les courses. Mais maintenant, il commence à y avoir des suspensions, etc. Mais on suspend le cheval et le jockey. Ah ouais, bah oui, voilà. Forcément. L'un par les pieds. L'un ne va pas sans l'autre. Merci Vincent Flibustier. Tiens, dans un instant, on va retitrer ensemble une information. N'hésitez pas à le faire sur la page Facebook de l'émission. L'assurance maladie qui sera rabotée par la Suédoise. Et oui, on aura droit également à notre agence de presse. Mais avant cela, Raoul, vous avez encore l'une ou l'autre info pour nous. Une petite info comme ça, qui fait divers. Ouais. Ça se passe dans le village de Le Bonneau. Rien à voir avec l'autre, hein, ouais. Mais c'est dans le Morbihan. Et pourquoi ? Parce qu'on a découvert une Peugeot 205 avec 9 bonbonnes de gaz derrière. Encore ? Donc c'était, ah oui, c'était la folie, quoi. Tous sont venus presque avec des tanks dans le village. Dans une 205 ? Une 205. Vous êtes sûr ? 9 bouteilles de... Oui, oui. On dirait une et blague. C'était un pauvre type qui devait aller livrer des bonbonnes de gaz. Donc vraiment, c'est la panique partout pour rien. Bah, c'est pas pour rien, c'est une mesure de sécurité quand même. Bah, oui, mais enfin, si toutes les bagnoles ou les camionnettes qui transportent des bonbonnes de gaz se font presque exploser, ce n'est pas normal. Cela vit, monsieur, cela vit. Il y a aussi ce type qui voulait passer du Pakistan à l'Afghanistan et qui ne voulait pas enlever son sac dans le portail de sécurité. Alors il est passé. En dessous.

La direction américaine de Caterpillar a donc rencontré aujourd'hui les autorités belges, une réunion très attendue. Initialement, cette rencontre était prévue avec le seul gouvernement wallon, mais le Premier ministre Charles Michel et le ministre fédéral de l'Emploi Chris Peeters y ont participé aussi. La direction américaine n'a fait aucune déclaration à l'issue de la réunion. Les autorités belges ont été très claires lors de cette rencontre, comme le confirme au micro de Pierre Magos le ministre-président wallon Paul Magnette. J'ai redit très clairement qu'on voulait qu'ils respectent intégralement les procédures. On veut voir tous les chiffres, on contestera tous les chiffres. On n'a encore aucune réponse sur le fond. On veut aussi pouvoir présenter de vraies alternatives et que, comme les y oblige la loi, ils examinent ces alternatives. Et j'ai répété qu'on ferait tout pour sauver tout ce qui peut être sauvé, sauver tous les emplois et que, quoi qu'il arrive, on récupérera le site par tous les moyens nécessaires. Il vous en semblait documenté sur la législation belge, le plan Renault notamment ? Ils connaissent très bien les procédures, mais on les connaît très bien aussi et on a pris les meilleurs avocats. Et donc, s'il le faut, nous nous battrons avec tous les moyens légaux nécessaires. Moi, je veux aller jusqu'au bout pour privilégier une approche qui permettra de sauver tout ce qu'on peut sauver comme activité économique et donc comme emploi derrière. Je pense aussi derrière Caterpillar aux milliers d'emplois qui sont dans les sociétés qui sont sous-traitantes et qui aujourd'hui ne sont pas directement à la table de la négociation. Mais s'il le faut, nous recourrons à tous les moyens, en ce compris les plus durs. Voilà donc pour cette rencontre des autorités belges avec la direction américaine de Caterpillar. Pendant ce temps-là, le personnel de Caterpillar est lui réuni en assemblée générale. Les travailleurs pourraient décider de reprendre le travail dès demain. Cela dépendra des informations qu'ils obtiendront des syndicats. L'usine de Gosselies est à l'arrêt depuis l'annonce de la fermeture. Plus de 3,5 milliards d'euros d'économies dans la sécurité sociale sur l'ensemble de la législature fédérale. C'est l'objectif chiffré du gouvernement fédéral. En matière de santé, la ministre Maggie De Bloch compte notamment dans les mois qui viennent sur une remise au travail des malades et invalides. Elle veut aussi raboter le montant des indemnités maladie des travailleurs salariés. Aujourd'hui, ces indemnités sont calculées sur base du montant du dernier salaire. La ministre veut en exclure les primes et les heures supplémentaires si celles-ci représentent moins de 10% de la rémunération. Marie-Paul Genome a recueilli la réaction de Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. C'est dans la droite ligne d'un certain nombre de mesures que le gouvernement a déjà prises. C'est de considérer que tout coûte toujours trop cher et à un moment donné qu'il ne peut pas y avoir de prise en compte de l'ensemble des revenus des travailleurs. Et donc c'est un des points qui sera important pour le futur. On ne peut pas à un moment donné dire qu'on bloque les salaires et qu'on demande de développer des alternatives via les heures supplémentaires, etc. Et puis quelques années plus tard, revenir sur le contrat qui a été passé et dire que tout cela ne vaut plus rien, ne compte plus, par exemple, en cas de maladie. La réaction de Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. C'est la plus grosse offre publique d'achat jamais lancée par une société allemande. Le groupe chimique Bayer met 66 milliards de dollars en cash sur la table, près de 60 milliards d'euros. Il achète le fabricant américain controversé de pesticides et de semences OGM Monsanto. C'est ce que vous nous expliquez, Michel Gasset. C'est la fin d'une saga qui a débuté au mois de mai lorsque Bayer a proposé de racheter Monsanto pour 55 milliards d'euros. Refus du groupe américain. Pas assez. Bayer améliorera encore son offre par la suite. Nouveau refus de Monsanto jusqu'à aujourd'hui. Prix final, près de 60 milliards d'euros en cash, 10% de plus qu'il y a 3 mois. Pour certains analystes, c'est trop, mais à la Bourse de Francfort, les investisseurs pensent apparemment le contraire, puisque le titre Bayer gagnait 2,5% il y a quelques minutes. Pour Bayer, l'OPA sur Monsanto est stratégique. Elle va lui permettre de contrôler un quart du marché mondial des semences et des pesticides. Un marché en pleine recomposition, avec deux opérations importantes annoncées précédemment. Le rachat du Suisse Syngenta par le Chinois Shem China et la fusion des groupes chimiques Dupont et Dow Chemical. Et puis, il y a les fameuses synergies dont on parle toujours en cas de fusion-acquisition. Bayer les estime à environ 1,3 milliard d'euros au bout de 3 ans, à comparer avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 23 milliards d'euros pour le nouvel ensemble. Un nouvel ensemble qui emploiera 140 000 personnes. Et l'opération doit évidemment recevoir l'aval de toutes les autorités de la concurrence concernées. Bayer prévoit que l'opération sera bouclée à la fin de 2017. L'Union européenne va mal, mais nous devons faire preuve de volonté. C'est le message délivré ce matin par le président de la Commission européenne. À Strasbourg, devant le Parlement européen, Jean-Claude Juncker a prononcé son traditionnel discours sur l'état de l'Union. Il veut doubler le fonds d'investissement européen, lutter contre le chômage des jeunes et le dumping social, mettre en place une vraie défense européenne, pour ne citer que quelques exemples. Un discours accueilli Anne Blanpin avec tiédeur par les députés. Que transmettons-nous à nos enfants? Qu'allons-nous leur laisser? Une union qui s'affiloche? Une union qui a oublié son passé et qui n'a aucune vision pour l'avenir? Nos enfants méritent mieux. Jean-Claude Juncker veut relancer des projets concrets dans les 12 mois qui viennent, doper l'Union européenne. Le catalogue est long, les promesses nombreuses, mais cela ne convainc pas tout le monde. Isabelle Thomas, eurodéputée socialiste française. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors après le Brexit, monsieur le président de la Commission, je crains que votre déclaration d'amour à l'Europe ne suffise pas. Il va nous falloir des preuves. L'Union va mal, les divisions entre États membres se multiplient et le référendum en Grande-Bretagne en a traumatisé plus d'un. Plus question de grandes ambitions fédéralistes, non, vive le pragmatisme. Mais même ce discours mesuré agace les conservateurs britanniques. Saïed Kamal, leur président. Malheureusement, ce sont toujours les mêmes rengaines que l'on entend année après année. Plus vous voulez construire l'Union, plus le citoyen se détache de cette Union. Plus vous méprisez ou ignorez les eurosceptiques, plus vous renforcez les chances d'une Le Pen présidente ou d'un Wilders Premier ministre aux Pays-Bas. Jean-Claude Juncker n'a répondu à aucune de ces attaques. Le président de la Commission est apparu résigné, fatigué. Mais dit-il, mes convictions européennes sont plus fortes que jamais. Anne Blanpin à Strasbourg pour le discours de rentrée du président de la Commission européenne. La page port de ce journal avec d'abord du cyclisme et la 57e édition du Grand Prix de Wallonie qui se déroule en ce moment. 205 km entre Beaufailly et la citadelle de Namur. Bonsoir Samuel Grulois. Oui, bonsoir. Alors l'arrivée est tout à fait imminente, n'est-ce pas ? Nous sommes à 1400 mètres de l'arrivée au cœur de cette route merveilleuse qui mène vers la citadelle de Namur. On a assisté à un regroupement général au pied de cette ascension, au pied de cette montée de 3 km. Il y avait dans le groupe de tête 7 coureurs, dont Jan Backlans, le grand favori du jour. Il a tenté sa chance en compagnie de son équipier Pozzo Vivo, mais aussi de Reichenbach, de Sprengers, de Vakoch, de Deun et de Galopin. Sous l'impulsion de l'équipe Wanty Group Gobert qui s'est fait piégé, eh bien on assiste à ce regroupement général avec désormais l'ascension finale et l'attaque d'un coureur de l'auto Soudal pour peut-être permettre à l'équipe favorite du jour de s'imposer. Le verdict ce sera dans les deux prochaines minutes. Un vainqueur belge peut-être, si c'est le cas, eh bien ce serait pour la quatrième fois d'affilée et ce serait pas mal évidemment au palmarès. Voilà, une arrivée imminente au Grand Prix de Wallonie. Merci Samuel Grulois. Alexander Seferin, le nouveau président de l'Union européenne de football. Le Slovène a été élu ce mercredi à Athènes. Les membres de l'UEFA l'ont préféré au néerlandais Michael Van Praag. Sa victoire est écrasante puisqu'il a obtenu 42 voix contre 13 à son rival. Seferin occupera sa nouvelle fonction pour une durée de 2 ans et demi. Et bien, c'est le temps du mandat qu'il restait à Michel Platini, qui est désormais suspendu par la justice interne de la FIFA. Une 5e médaille pour la Belgique aux Jeux Paralympiques de Rio, une médaille d'argent. Elle a été remportée par la cavalière Michèle Georges dans la finale du test individuel, c'est de l'équitation. Michèle Georges qui possède désormais 3 médailles paralympiques après ses 2 titres conquis à Londres en 2012. Encore un mot de sport et de football. Pour la première fois depuis 11 ans, le club de Bruges retrouve les fastes de la Ligue des Champions. Engagé dans une poule avec Leicester, Porto et le FC Copenhague, les Brugeois ouvrent le bal ce soir contre les champions d'Angleterre. 17h09, merci de nous être fidèles. Toute l'info est sur rtbf.be. Vandenborre suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborre le fait. Vandenborre. C'est presque sérieux, tout le monde est là depuis un petit moment déjà. C'est vrai, 1 minute 39 exactement. Donc ça va, merci Diane. Retour de l'information tout à l'heure à 17h30, soir première, Arnaud Reussen. D'ici là, nous sommes presque sérieux. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. On ne le répétera jamais assez, rire, ça fait réfléchir, et réfléchir, ça fait grandir. Oui, nous sommes presque sérieux, et l'actualité, ce sont eux qui la font. J'étais avec vous tous les jours de la semaine sur la première, entre 16h et 17h30, que nous nous en amusons avec un peu de légèreté, de l'impertinence et tout ce qui va avec, de la joie de vivre et de la bonne humeur. Ils sont là pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite avant soir première. Et Arnaud Reussen, il y a autour de cette table et de beaux esprits, à commencer par Pierre Charette. Bonjour, monsieur Wahhabi. Il y a Edgar Schotz. Bonjour, Edgar. Bonjour. Il y a Vincent Flibustier. Bonjour. Il y a Raoul Reyers. Bonjour. Et il y a David Watley qui s'intéressera à nos petites bandes à qui vous avez bonjour, qui vous avez posé des questions en rapport aujourd'hui avec quoi ? Ah, aujourd'hui avec l'avenir et les métiers. Ah, les métiers, tout un programme, justement. Et puis faites comme nos auditeurs, en tout cas il y en a un qui a déjà envoyé des photos, faites comme Therese Wolfs. Habillez-vous s'il vous plaît. Vous vous prenez en photo devant cette fameuse campagne de pub de la première, et il y a pas mal de photos qui circulent à gauche, à droite, notamment sur des abribus. Hein. Vous vous prenez en photo et vous repartirez avec des cadeaux. Vous postez ça sur la page Facebook de l'émission. C'est presque sérieux. Et les 10 premiers, je le disais, repartiront avec un beau petit cadeau couleur de la première. En attendant, intéressons-nous justement à cette actualité, l'actualité de ce 14 septembre, que je vous souhaite excellent à l'écoute de la première. C'est presque sérieux. C'est la première. Et on l'a appris aujourd'hui, oui, l'assurance maladie sera rabotée par la Suédoise. Le gouvernement va modifier le calcul des allocations de maladie. La réforme devrait donc entrer en vigueur en octobre prochain. La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Maggie De Blocq, a préparé donc une réforme d'une série d'allocations. Actuellement, l'indemnité maladie est calculée sur la base du dernier salaire. Mais dans un souci d'économie et de simplification, sa proposition consiste à déduire de ce salaire un certain nombre de primes, comme celles liées à l'ancienneté ou au mécanisme de participation des travailleurs. D'ailleurs, au résultat de l'entreprise. Bref, tous les cadeaux de l'entreprise en nature vont être rabotés, et donc l'assurance maladie sera rabotée. Et comment vous pourriez retitrer cette information ? Et c'est la question que je vous pose, chers amis. Demandons à Vincent Flibustier. IKEA lance l'armoire de Blocq. Voilà, tout simplement. C'est bien, c'est court, c'est précis. Mais on comprend. Je suis pas certain qu'on comprenne. Si, parce qu'elle est rabotée. Ah. Et la Suédoise. Ok, d'accord. Un truc avec la clé Allen, on peut trouver aussi. Okay. On va demander à Raoul Reyer, justement, l'assurance maladie sera rabotée par la Suédoise. Maggie a prévenu qu'elle allait s'asseoir sur votre assurance maladie. La pauvre. Pierre Charette, cette assurance maladie sera rabotée en octobre prochain. Dites-nous tout, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette info ? Il a déjà honte. J'ai peur. Il a honte. Vous devez être amputé. Votre assurance maladie le sera aussi. Ah bah merci Pierre Charette. Edgar Schotz. Dans le même style, pas de bras, plus de chocolat. Ah bah merci, voilà. Et enfin David Watley. Tu n'avais pas besoin de tomber malade. Ah ça ouais. T'apprendra. Ah ouais, vous tutoyez directement le lecteur. Vous. Ah bah oui, évidemment, ah c'est concernant ça. Ah bah oui, l'assurance maladie. Je travaille sous Vivacité, moi. Qui sera rabotée donc très prochainement, en octobre prochain. On en parlera, ça c'est certain. C'est moi qui vous le dis. En attendant, on en parle, ou presque. C'est notre agence de presque. On rappelle le principe, Raoul. C'est faux, tout est faux. C'est bien, au moins c'est dit. N'écoutez que d'une oreille. C'est clair. Alors à l'intérieur, il y a du Marine Le Pen, il y a du Cahuzac. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? C'est doublement faux. Vous allez découvrir tout ça, c'est parti. Allez, écoutez. La première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Après 24 ans derrière les barreaux, Ségolène Royal, la Tollarde, est venue à Matignon avec une bombe au camembert, président notamment. Arnaud Bondebourg, Christiane Taubira, François Hollande et Angela Merkel ont été asphyxiés. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Euro Disney, ouvre une enquête. Ce matin, dans une mosquée de Daraya, près de Damas, Marine Le Pen, criant Allah Akbar, a assisté à la prière de la fête du sacrifice. À la demande de Donald Trump, était-ce bien nécessaire ? Et puis c'est une distinction qui célèbre l'esprit du maître de l'absurde. Le prix Cahuzac est décerné cette année à Michel Rocard. À l'appel de la CFE, de l'UNSA, de la CGT et de la CFE-CGC, à l'occasion de la réunion du CCE chez HSBC. Merci. Ainsi se termine cette édition. La première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Bien entendu, tout ce que vous avez entendu est complètement faux, archi faux. À réécouter sur le rtbf.be/ovio. Là-dedans, c'est la musique de Signé Taloche, je pense. Bon. C'est pas Signé Taloche. Mais ils l'ont repris dans le générique de Signé Taloche. Ouais, rendons à César ce qui appartient à César quand même. Raoul, c'est de qui cette musique ? Eh bien, ça doit être du Cosma, non ? Ouais, ça doit être ça, ouais. Je ne sais pas. En attendant une presque star, vous savez que nous mettons en avant ces anonymes qui font parler d'eux dans la presse. Notre presque star du jour est avec nous aujourd'hui et il répond au prénom, eh bien, je vais vous le dire, il s'appelle Hugues. Bonjour Hugues. Et bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Je suis à Londres, alors ça va mieux. Ah, bah écoutez, restez. En prison. En prison. Ne restez pas trop à l'ombre, Hugues. On va vous mettre en lumière dans un instant. Le temps pour nos chroniqueurs de découvrir la raison pour laquelle, justement, on parle de vous dans la presse. Je ne réponds à vos questions, chers amis, que par oui ou par non. C'est parti, faites-vous plaisir. Est-ce que ça a un rapport avec le soleil, la canicule? Non, tout ça? Absolument pas. Les non. lignes de tram. Les lignes de tram, non, pas du tout. Est-ce qu'il est bruxellois? Il est bruxellois, non, non, non. Je peux vous dire d'où il vient. Il vient de Chimay. Ah, ah. Est-ce qu'il fait de quelque chose de culinaire? C'est en rapport avec la cuisine. La gastronomie. Le fromage. La cuisine à la bière. On est à la base de la cuisine. Alors, les questions de bière. Il y a question de bière ouais, dedans. L'agriculture. C'est-à-dire ben, les céréales. Alors, je vais vous aider. Bière, l'orge. Écoutez l'indice que voici. Une petite bière, on a soif. Ah oui. Ah bah oui, maintenant c'est tout. Ah, clair. Ah, attendez. Il y avait une vache. Alors il fait de la bière au lait. Je sais pas, ça doit pas être bon du tout en fait. Non, il nourrit ses vaches à la bière. Non, c'est. Alors, il les frotte à la bière. Attendez, Edgar. Pour que le lait soit meilleur. Vous dites? Il nourrit ses vaches à la bière, à la chimée. Eh bien, il va lancer une viande inédite en Belgique, celle de vache abreuvée à la bière. Il est avec nous. Il s'appelle Hugues Derzel, éleveur à Chimay. Ça vous m'intéresse. Lancez, cette viande inédite. Pour les abattre sans les étourdir. En plus. On va les saouler tout de suite. Mais va nous en parler justement. Ce sera la blanche bleue belge. Ou la brune, le belge. Alors dites-nous un peu, Hugues, comment vous est venue cette idée complètement saugrenue? Oh, quand vous étiez bourré. J'étais bourré, j'ai bu avec une vache. Alors dites-nous. C'est pas une idée saugrenue, c'est d'abord une réalité du côté du Japon, avec la Kobe Beef, que beaucoup de gastronomes connaissent, mm-hmm. ou de réputation pour l'avoir goûté. Donc c'est une viande hautement gastronomique qui est faite notamment avec des races japonaises sur lesquelles on distribue de la bière. Et je me suis dit, pourquoi on ne peut pas appliquer ce système, cet itinéraire d'élevage chez nous en Belgique et en Wallonie, avec toutes les bières qu'on a. Et toutes les vaches qu'on a. J'ai réfléchi autour de la question et voilà, je me suis lancé dans cette production de viande avec des vaches qui recevront de la bière et durant 4 mois. C'est un élevage de petite Suisse. Élevage de? De petite Suisse. Oui, c'est ça. C'est le nom que j'ai donné à mon élevage. Oui, ça date déjà depuis 10 ans que je suis éleveur et que je produis de la viande et que, avec des saveurs variées, et j'ai donné le nom de l'élevage de la petite Suisse par rapport justement au cadre paysager du village de Lompré. Donc j'ai fait l'élevage de la petite Suisse. Alors, le secret de cette viande, c'est donc cette bière locale qui porte un nom, la Sarah de Silenrieux. Donc on a fait un choix parce qu'on recherchait une bière avec pas trop d'alcool, 5-6 degrés d'alcool, une bière brune, mais une bière avec beaucoup d'arômes. Et finalement, avec les gens qui m'ont conseillé, on s'est arrêté sur la bière brassée à Silenrieux, la Sarah à Silenrieux. Alors une viande artisanale forcément, mais ça a un coût. Est-ce que ça a coûté plus cher? Donc c'est vrai que ça va coûter un peu plus cher. Donc on a... Alors, vous êtes à Londres, effectivement, mais on vous entend mal. Donc, vous disiez? J'ai dit, effectivement, il y aura un coût. Donc, pour nous, on a calculé, ça reviendra à 5 euros du kilo en plus que ce qu'on vend tout de suite, la viande. Donc, voilà. Donc, pour le consommateur, on arrivera quand même à une viande autour de 20-22 euros du kilo, qui reste à un prix démocratique quand on entend parler de la Kobe Beef qui est à plus de 100 euros du kilo. L'objectif, ouais. C'était pas une viande chère, c'est une viande de goût démocratique. Et vous leur en donnez combien de litres par jour aux vaches? Parce qu'il a envie de venir boire. J'imagine, les gars. On s'est calé sur 4 litres par jour. Ah oui, quand même 4 litres de vache, c'est pas tant que ça. Et vous avez déjà commencé ou pas à la manger, ou c'est juste le début là? Vous avez déjà goûté? Donc ici, on a fait un micro-essai, disons, en famille, on a fait goûter à des amis, tout ça, donc ça s'est resté concluant. Et maintenant, on passe à l'étape supérieure, on l'annonce, on va en produire plus, on compte en produire 3 sur 2017. Donc on va commencer la phase de distribution de la bière le 1er octobre, donc pendant 4 mois, donc ça va être octobre, novembre, décembre, janvier, pour une viande qui sera disponible pour les consommateurs et les gastronomes en mi-février. Alors pour pour abreuver vos vaches, elles ont, enfin comment, où exactement qu'on y aille avec des pailles? Non mais dites que effectivement elles ont de la paille, mais c'est pas pour boire la bière, c'est pour manger, c'est pour se coucher. Ah oui. Donc le plus facile, c'est ça, dans le micro-essai, on a essayé deux trois systèmes, et le plus facile, comme on a quand même des vaches qui sont un peu gourmandes et qui aiment bien les bonnes choses, on met la bière sur leur aliment solide, sur la céréale, leur pub et le lin. Ah d'accord. Et donc la bière, alors tout de suite, elle mange le mélange bière et aliment solide, et ça, ainsi on sait bien contrôler l'ingestion, qu'elle n'en prenne pas trop, qu'elle en prenne suffisamment et tous les jours. Et quand on mangera votre viande, qu'est-ce que vous conseillez comme boisson avec ça? Une bière.

Mélodie. Ah oui. Elle avait su traduire avec précision les sentiments des enfants. Choisir le métier de ses rêves, par exemple, quand on est gamin, c'est assez simple. Hein. Il suffit de fouiller dans leur Lego ou Playmobil et vous trouverez dans ces petits personnages leur métier souhaité. Vétérinaire, j'aime les animaux. C'est policier, parce que j'aime l'action et même s'il faut, je veux dire, mettre ma vie en danger, j'irai. C'est pompier parce que j'aime bien sauver les vies. Ah, c'est mignon. Et jusque-là, ouais. Normal. Hein. Ouais, bien. Normal. Des métiers diversifiés, pas complètement bouchés. L'avenir de la Wallonie semble assuré, rien d'inquiétant. Je me tracasse quand même pour ce jeune garçon qui a peut-être un peu trop joué au Monopoly. Je pense que le plus beau métier du monde, c'est expert comptable, parce que j'aime bien les chiffres, que devant l'ordinateur pendant des heures, ça ne me dérangerait pas de faire des additions, des calculs, et je trouve que ça gagne bien sa vie. Est-ce qu'on a fait de l'humanité? Oui, c'est ça. En tout cas, papa est content. Rêver d'être expert comptable à 10 ans, moi ça me fait un peu flipper. En même temps, on ne peut pas lui donner tort. Peut-être que ce jeune homme souhaitait à la base devenir médecin. Mais bon, médecin, c'est déjà super dur au niveau des études. Mais en Belgique, c'est pire, il faut déjà comprendre ceci. Les étudiants qui sont actuellement en première année de médecine, qui ont réussi les 45 crédits nécessaires pour passer en deuxième, mais qui n'étaient pas classés en ordre utile à la suite du concours, eh bien ces étudiants pourraient passer en deuxième. Ça a l'air simple, non? De quoi? Tu peux me redire pour être sûr que je comprends bien, parce que j'ai un peu eu du mal à comprendre. Et pour le numéro d'une amie, alors? Quoi? Bah oui. Et vous savez quoi, pour aider les enfants dans leur choix de métier d'avenir, j'ai une petite idée, pourquoi pas politique? Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux de pouvoir. C'est chouette politique, non? Tu voudrais faire homme politique, toi? Non, parce que je sais pas ce que c'est. Les hommes politiques et tout ça, ceux qui décident, tu sais pas? Ah si, j'aimerais pas décider ce que les gens doivent faire. Je voudrais pas être un homme politique parce que ils sont tout le temps habillés avec une chemise et une cravate. Ça, c'est pas trop son style. Non. Et pour finir cette chronique, revenons à Mélodie qui disait « Ne grandis pas trop vite et attends-moi, je sais qu'un jour, tu viendras vers moi. » Ah, c'est beau, une chronique à retrouver sur le rtbf.be/ovio. C'est bientôt fini, presque au mot de la fin, c'est parti. Cette conversation est terminée. Pif, paf, pouf, je vais en choisir un au hasard. Bah tiens, Pierre Charette. Je l'ouvre. Alors, presque au mot de la fin, ce sera juste pour vous aujourd'hui. Je l'ouvre. Ouais, moi, je veux dire que la chanson de Mélodie « Ne grandis pas trop vite, un jour tu viendras vers moi », ça pourrait être du Jean-Luc Lahaye aussi. Ouais. Alors. Mais je vais le faire de mémoire, du coup. À Lille, il y a un bar d'extrémistes de droite qui a ouvert. Mm-hmm. Ils vont n'y servir que du blanc. J'imagine. C'était juste ça, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est mon mot de la fin. Merci, Pierre Charette. Mais tiens, je vais demander à Raoul pour terminer l'émission comme il faut, quand même. Une bonne nouvelle. Le kit à Tantin est à présent disponible en Wallonie et en région bruxelloise. C'est rassurant. Et en quoi il consiste, ce kit à Tantin? Une couverture et des pansements, deux sortes de pansements pour les groupes, les brûlures. Et ça coûte combien? Je crois qu'on les reçoit dans les services. Comment on appelle ça? Les services? Oui, les services. dans les hôpitaux. Et ah, autres. Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, merci à vous d'avoir été presque sérieux. Enfin, bonne nouvelle d'avoir en tout cas de quelque chose de gratuit. Merci Raoul Reyers. Merci David Watley. Merci Vincent Flibussier. Merci Edgar Schatz. Merci Pierre Charette. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à poster vos photos avec cette campagne publicitaire en couleur de la première sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Rendez-vous avec l'information sérieusement cette fois-ci. C'est Arnaud Reussen qui vous informe. Soir première, à demain 16h. La première est là de présente, Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be, avec le soutien de Bruxelles Environnement et la ville de Bruxelles. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour la Polo. Oui, alors, pour 129 euros par mois, vous avez une Polo. Ok, je la prends. Et donc je vous parle pas de son front assist et son système de freinage d'urgence en ville, de sa radio à écran tactile ou de son verrouillage centralisé, de ses vitres électriques à l'heure. Non, je connais, je la prends. Ah, c'est décidé. Ah oui, c'est décidé. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 129 euros.